Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le discours, le décret numéro 1241. Selon le décret, l'ordre Kim Jong-il a été décerné à une personne, le titre de héros du travail de la République et la médaille d'or, le marteau et la faucille, et l'ordre du drapeau national de première classe à 5, le prix Kim Jong-il à une personne, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse à 2, le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse à 2, les titres d'honneur, ordres et médailles à 2487 personnes qui ont contribué remarquablement à l'achèvement de l'adaptation à la réalité nationale et de la modernisation du complexe sidérurgique de Fangé.